الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم أما بعد الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ حديث numéro 36 أبو هريرة رضي الله عنه il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui soulage un croyant d'une peine dans ce monde Allah le soulagera d'une des peines au jour de la résurrection celui qui vient en aide à quelqu'un en difficulté Allah lui accordera la facilité dans ce monde et dans l'autre Celui qui couvre une faiblesse physique ou morale d'un musulman, Allah le couvrira dans ce monde et dans l'au-delà. Allah vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Celui qui s'engage dans une voie à la recherche d'une science, Allah lui facilitera une voie vers le paradis. Il n'est pas de gens qui se réunissent dans une des maisons d'Allah pour y réciter le livre d'Allah et de se l'enseigner réciproquement sans que ne descende sur eux la paix divine, As-Sakina, et que la miséricorde ne les couvre et les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne parmi ceux qui se trouvent auprès de lui. Celui qui sera retardé par ses mauvaises actions, sa noblesse et sa réputation ne lui seront d'aucun secours pour avancer. Le hadith est rapporté par Muslim textuellement. وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده في هذه الجمل الفضل أو فضل الاجتماع في بيوتي الله سبحانه وتعالى التي هي المساجد وبالأخص الاجتماع على تلاوة كتاب الله والمدارسة لهذا الكتاب الكريم فمن فعل ذلك فإن سكينة الله تنزل عليهم السكينة يعني الطمأنينة تنزل عليهم وتغشهم الرحمة والملائكة تحفهم أن تحيط بهم ورب العالمين سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء المجتمعين على تلاوة كتابه ومدارسة هذا الكتاب فإن الله تبارك وتعالى يذكرهم في من عنده يعني عند الملائكة إذن في فضل اجتماع الناس في مسجد من المساجد لتلاوة كتاب الله يدخل في ذلك من جلس في المسجد لتعلم القرآن ولتعليمه كل ذلك داخل في هذا الحديث بإذن الله فالذي يجلس في مسجد من المساجد يحفظ شيئا من كتاب الله أو يتعلم قواعد تلاوة القرآن إلى غير ذلك مما هو متعلق بهذا الكتاب الكريم فهو داخل في هذا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى وفي حديث عثمان عند الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه راوي هذا الحديث هو عثمان بن عفان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث والراوي عن عثمان هو رجل اسمه أبو عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي فهو من التابعين هذا الرجل يقول متحدثا عن نفسه هذا الحديث هو الذي أقعدني في هذا المسجد أدرس القرآن، لأنه جيء إليه وقيل له يا عبد الرحمن لماذا لا تشتغل بالحديث كما يفعله أقرانك؟ التابعين، معظم التابعين كانوا يشتغلون بالحديث عن الصحابة ويحدثون من بعدهم، فهو كان يجلس في المسجد ويعلم الناس القرآن. يقول هذا الحديث حديث عثمان والذي أقعدني مقعدي هذا، فجلس يدرس الناس من خلافة عثمان إلى أوائل خلافة الحجاج ابن يوسف الثقفي. خلافة عثمان متى بدأت؟ سنة 23 بعد أن مقتل عمر رضي الله عنه، وانتهت سنة 35. 35 قتل عثمان رضي الله عنه. الحجاج بن يوسف الثقفي متى أن يتولى الإمارة على العراق؟ سنة 75 إلى أن مات سنة 95، يعني 20 سنة بقي أميرا على العراق رحمه الله. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي جلس من خلافة عثمان إلى إمارة الحجاج بن يوسف يدرس القرآن، يعني سنين بين 60 أو يمكن 60 سنة تقريبا يدرس القرآن لأجل هذا الحديث. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، جلس هذه المدة الطويلة لتعليم كتاب الله عز وجل. إذن يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فلا بد من هذا في الحث على فهم القرآن. فالله عز وجل يريد منا أن نتلو كتابه وكذلك أن نفهمه ونتدبره، لأن هذا القرآن نزل للعمل، فلا بد من الفهم ومن التدبر. ولهذا يقول ويتدارسونه فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع مع أصحابه فيطلب من أحد الصحابة أن يتلو شيئا من كتاب الله عليه، كما فعله مع من؟ مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما قال له اقرأ فقال له عبد الله بن مسعود عليك أقرأ وعليك أنزل، أقرأ وعليك وعليك أنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة، وش من سورة؟ سورة النساء، حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، يعني يكفيك يعني. فالتفت عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عينيه تذرفان، يعني فيها دموع، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة عبد الله بن مسعود. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يطلب من أبي موسى الأشعري فيقول له يا أبا موسى ذكرنا ربنا، ذكرنا ربنا، فكان أبو موسى رضي الله عنه يقرأ على عمر. عمر يكون مجتمعا مع يعني أصحابه، فيأتي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أو غيره فيقرأ على مسامع هؤلاء ويتدارسونه بينهم، فيعلم بعضهم بعضا ويتفاهمون هذا القرآن ويفسرون الآيات. وجاء هذا الفضل كذلك على مطلق مجالس الذكر، ما تسمى به مجالس الذكر، فأي مجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالى فإن الملائكة تحفهم يعني تحيط بهم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة فإن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوهم تنادوا يعني قوموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم ثم يسألهم الله سبحانه وتعالى فيقول لهم وهو أعلم ماذا قال عبادي فيقولون فإنهم يمجدونك ويكبرونك ويحمدونك فيقول الله عز وجل للملائكة وهل رأوني فتقول الملائكة لا ما رأوك فكيف لو رأوني فتقول الملائكة لو رأوك لكانوا يعني أشد من ذلك تمجيدا وتحميدا وتكبيرا. ثم يقول الله عز وجل وماذا أن يطلبون ماذا يدعون فيقول الملائكة يدعون جنتك فيقول الله عز وجل وأل رأوها فتقول الملائكة ما رأوها فيقول الله سبحانه وتعالى فكيف لو رأوها فتقول الملائكة لو رأوها لكانوا أشد حرصا وطلبا لها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومما يتعوذون فقالت الملائكة يتعوذون من النار فيقول الله سبحانه وتعالى وهل رأوها فتقول الملائكة ما رأوها فقال الله سبحانه وتعالى وماذا عنهم لو رأوها فتقول الملائكة لكانوا أشد فرارا منها حتى يقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت له. هذا المجلس مجلس الذكر يقول الله سبحانه وتعالى الملائكة أشهدكم أني قد غفرت له فيقول ملك يا ربي إن فيهم فلانا ليس منه إنما يعني جاء لحاجته لا يعني ما نوى الجلوس مع هؤلاء إنما جاء لحاجة غير يعني الجلوس في مجلس من مجالس الذكر. فيقول الله سبحانه وتعالى هم الجلساء لا يشقى معهم جلسهم. الله سبحانه وتعالى يعني يجمع برحمته الواسعة ومغفرته كل من جلس مع هؤلاء حتى الذين أتوا لغير هذا الجلوس. Donc on était arrivé à la phrase où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'est pas de gens qui se réunissent dans une des maisons d'Allah, c'est-à-dire la mosquée, pour y réciter le livre d'Allah et de se l'enseigner réciproquement sans que ne descende sur eux la paix divine, as-sakina, que la miséricorde ne les couvre et les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne parmi ceux qui se trouvent auprès de lui. Donc dans cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc incite les musulmans donc à être présents dans les mosquées, à se réunir dans les mosquées pour y réciter le Coran et se l'enseigner réciproquement. Rentrent dans cela ceux qui donc se rendent dans les mosquées et s'y réunissent pour apprendre le Coran ou l'enseigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme dans hadith Uthman dans le Bukhari, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Et celui qui a rapporté ce hadith de Uthman, c'est un homme qui s'appelle Abu Abdurrahman Sulami, rahimahullah. Donc c'est un tabi'i. Et ce hadith l'a incité à enseigner le Coran pendant des années et des années. Il a enseigné le Coran dans la mosquée de l'époque du Khilafa de Uthman radiallahu anhu jusqu'à ce que Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi rahimahullah soit amir en Irak. Donc Uthman il est décédé l'année 35 de l'Hégire. Et Hajjaj ibn Yusuf est devenu amir de l'Irak en 75 de l'Égypte, jusqu'en 95. Donc on ne sait pas si c'était au début de Khilafat Othman, ou bien à la fin, ou bien au début de Khilafat Al-Hajjaj, mais en tout cas c'est une longue période. Environ une cinquantaine d'années, il est resté en train d'enseigner le Coran, juste pour rentrer dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu », c'est-à-dire le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Donc, le fait de se réunir dans la mosquée pour lire le Coran et se l'enseigner mutuellement, réciproquement. Donc ce n'est pas le seul fait de le réciter, il faut également essayer de le comprendre, car c'est cela le but de la révélation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il demande aux musulmans de lire le Coran, d'essayer de le comprendre, de le mettre en application et de le méditer. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Donc un livre que nous avons fait descendre qui est béni afin que les gens méditent ces versets et afin que les gens doués d'intelligence se rappellent. Et dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala blâme les gens qui ne méditent pas le Coran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets, il incite à la méditation du Coran. En ce qui concerne donc le fait de se réunir pour étudier le Coran ou bien le méditer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois donc demandait à des compagnons de lui réciter le Coran afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'écoute, comme il l'a fait avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il lui a dit: Aou Abdullah, récite-moi un peu du Coran. Abdullah ibn Mas'ud a été surpris et lui a dit: comment puis-je te réciter le Coran alors que c'est à toi qu'il a été révélé? Le prophète lui a alors dit: j'aime l'entendre de quelqu'un d'autre que de moi-même. Abdullah ibn Mas'ud a alors commencé à réciter surat al-Nisa, la quatrième surat du Coran, la quatrième surat du Coran, et jusqu'à arriver au verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. C'est-à-dire comment ça se passera yawm al-qiyama, lorsqu'on fera venir pour chaque communauté un témoin et tu viendras pour cela en tant que témoin. Le prophète lui a alors dit hasbuk, c'est-à-dire c'est suffisant. Abdullah ibn Mas'ud s'est alors tourné vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a vu ses deux yeux qui pleuraient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pleuré de la lecture de Abdullah ibn Mas'ud. Également Omar radiyallahu anhu, également il demandait parfois à Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu de lui réciter du Coran. Donc ils étaient réunis, Omar et les gens avec lui, et ils disaient: Ya Abu Musa, dhakirna Rabbana, rappelle-nous notre Seigneur. Donc en récitant le Coran, et ils le récitaient, et eux ils écoutaient, et ils essayaient de méditer. Également, donc, ces caractéristiques, donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis aux gens qui récitent le Coran et se l'enseignent réciproquement, c'est-à-dire le fait que la sakina descende et que la miséricorde ne les couvre, et toutes ces choses-là, ça englobe également tout ce qu'on appelle majalis al-dhikr, c'est-à-dire toutes les assises où il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un cours ou bien un rappel. Toutes les choses, bref, qui nous rappellent Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que il y a des anges qui parcourent tous les chemins de la terre afin d'y rechercher les gens qui se rappellent Allah, les gens qui ont des assises où on se rappelle Allah. Lorsqu'ils les trouvent en train de glorifier Allah, de le louer, de citer sa grandeur, ils disent alors: faites votre travail. Et alors ils les entourent de leurs ailes. Tahuffuhum bi ajnihatiha. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala leur demande, et il est mieux savant de ce qu'ils ont fait, il leur dit: que disent mes serviteurs Les anges disent alors à Allah subhanahu wa ta'ala, il te glorifie, il te loue, il mentionne ta grandeur. Et Allah leur dit alors, et est-ce qu'ils m'ont vu? Les anges disent alors, non, ils ne t'ont pas vu. Et comment serait-il alors s'ils m'avaient vu? Les anges disent alors, ils te loueraient encore plus et ils te glorifieraient encore plus et ils mentionneraient encore plus ta grandeur. Allah dit ensuite, et qu'est-ce qu'ils demandent ces gens-là? Il dit, ils demandent le paradis. Allah leur dit alors, et est-ce qu'ils ont vu le paradis? Les anges disent alors, non, ils n'ont pas vu le paradis. Allah leur dit alors, et comment serait-il s'ils avaient vu le paradis? Les anges disent alors, s'ils avaient vu le paradis, ils le demanderaient encore plus. Les gens demandent à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis alors qu'ils ne l'ont pas vu. Et Allah leur dit ensuite, et de quoi, contre quoi cherchent-ils protection? Les anges disent, ils cherchent protection contre l'enfer. Allah dit alors, et est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Les anges disent non. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit alors, et comment serait-il s'ils avaient vu l'enfer? Les anges disent alors, s'ils avaient vu l'enfer, ils essaieraient encore plus de s'en éloigner. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite à ses anges, ushhidukum anni qad ghafartu lahum, c'est-à-dire je vous prends pour témoin que tous ces gens-là que vous avez vus donc dans une assise, je leur pardonne leurs péchés. Un ange dit ensuite à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a parmi eux un homme qui n'est pas assis avec eux pour le rappel, il est venu pour autre chose. Par exemple, dans une mosquée par exemple, il y a un cours. Un d'entre vous a donné rendez-vous à un autre. Je donne rendez-vous après la asr. Lui, il est venu pour quoi? Pour le cours? Non, pour son rendez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est-à-dire, ces gens-là sont assis et toute personne qui est assise avec eux ne sera pas malheureuse. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala englobe de sa miséricorde tous les gens. Ceux qui sont assis pour son rappel et également ceux qui se sont assis avec eux pour d'autres raisons. Il a dit illa man fa'ala dhalika illa nazalat alayhi musakina. قلنا انها الطمانينه وغشيتهم الرحمه. هناك حديث في الصحيحين ان صحابي ان صحابيا اسمه اسيد بن حضير رضي الله عنه ليله من الليالي كان يقرا القران في مربده يعني مكان للبهائم اذا جالت فرسه يعني فرسه تحركت فقرأ ثم جالت أخرى تحركت أكثر فقرأ ثم جالت أيضا يعني كلما قرأ جالت فرسه. فقال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى يعني ابنه كان بجانب الفرس. قال فقمت إليها يعني إلى الفرس فإذا مثل ظلة في مثل ظلة فوق رأسي رأى فوق رأسه مثل ظلة وفيها أمثال السرج يعني المصابيح عرجت يعني صعدت إلى الجو حتى ما أراها حتى يعني ذهبت. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت يعني لو استمرت في قراءتك لأصبحت أو لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. لو استمر في قراءته لأصبح الناس ينظرون إلى الملائكة ولكن هو توقف عن القراءة لأنه خشي أن تطأ فرسه ابنه يحيى. هذا دليل على نزول السكينة ونزول الملائكة وإحاطة الملائكة بالذي يقرأ كتاب الله ولو كان وحده كما هنا كان وحده في مربده. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, celui qui fait cela, qui récite le Coran et les gens donc qui se l'enseignent réciproquement, la paix divine descend sur eux et la miséricorde ne les couvre. Il y a un hadith dans donc Bukhari ou Muslim où Sayyid ibn Khudayr radiallahu anhu, un jour, une nuit, il était en train de réciter le Coran dans son étable, donc là où il y a des animaux. C'est alors que son cheval s'est mis à s'exciter. Et il a continué à lire. Et plus il lisait, plus son cheval commençait à s'exciter. Jusqu'à qu'il s'arrête de lire, car il a eu peur que son cheval ne marche sur son fils Yahya, qui était dans l'étable avec lui. Il s'est alors dirigé vers son cheval et il a alors vu au-dessus de sa tête, de sa tête à lui, Usayd, comme une espèce de d'ombrage dans lequel il y avait des lampes, de la lumière. Puis ensuite, lorsqu'il a vu cela, donc cette même lumière s'est dirigée vers le ciel jusqu'à disparaître. Le lendemain, il s'est rendu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter ce qu'il avait vu. Le prophète lui a alors dit que c'était les anges qui étaient descendus pour écouter ta lecture, et si tu avais continué à lire, tu te serais réveillé donc le matin, et les gens auraient vu les anges, et les anges ne se seraient pas cachés d'eux. Donc les anges sont descendus pour écouter la lecture de cet homme, donc Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu. Et le hadith, donc comme on a dit, il est dans Al-Bukhari wa Muslim. إذن من اجتمع في بيت بيوت الله لتلاوة كتاب الله ومدارسته فإنه تحصل له أربع مزايا: أن السكينة تنزل عليه وتغشه الرحمة وتحفهم الملائكة، والله سبحانه وتعالى يذكرهم في من عنده، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في الصحيحين: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فمن ذكر الله سبحانه وتعالى في مجلس من المجالس فإن الله سبحانه وتعالى يذكره في مجلس خير من، يعني عند الملائكة، فإن الله سبحانه وتعالى يثني على هؤلاء عند ملائكته الكرام. هذا فضل عظيم للذين يجلسون في مجالس الذكر. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الختام لهذا الحديث يريد أن يبين لنا أن العبرة عند الله سبحانه وتعالى بالعمل لا بالنسب، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر كما في الحديث، لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالذي هو شريف النسب أو وضيع النسب، يعني هما عند الله سبحانه وتعالى سواء، ولا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بعمله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله من سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام في قومه فنادى فقال: يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهؤلاء من أشراف العرب، هم يعني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اشتروا أنفسكم، يعني بالعمل، لا أغني عنكم من الله شيئا. فقال بعد ذلك قال: يا عباس ابن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، أو يا صفية عمة رسول الله، اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. حتى ختم النبي صلى الله عليه وسلم بأقرب الناس إليه فقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت واشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا. فحتى يعني ابنته صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينجيها من النار لصلتها به صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ينجي العبد يوم القيامة هو عمله. وكما تعلمون أن يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى أن ينصب الصراط فوق وهو يعني جسر على متن جهنم، والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، وإن منكم إلا واردها، ما من أحد إلا ويمر على هذا الصراط، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في نار جهنم، فإن على هذا جسر كلاليب يعني حدائذ من جهنم يعني تخطف الناس وتلقيهم في نار جهنم. الشاهد أن هؤلاء يمرون على الصراط على قدر أعمالهم. وانظروا يعني إلى الإسلام، فإن الإسلام رفع يعني بعض الناس وليسوا من العرب كبلال بن رباح وكسلمان الفارسي وصهيب الرومي، يعني رفعهم الإسلام ووضع أناسا كانوا من أشرف الناس كأبي لهاب وأبي جهل ويعني صفوان بن أمية وغيرهم. وصفوان بن أمية يعني مسلم أسلم يعني في آخر حياته، وغيرهم من المشركين يعني وضعهم الله سبحانه وتعالى لما أبوا أن يتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini ce hadith en disant « Celui qui sera retardé par ses mauvaises actions, sa noblesse et sa réputation, nasab ne lui seront d'aucun secours. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer ici que la valeur des gens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par leurs œuvres. Ce n'est pas par leur origine, ou bien par leur descendance, ou bien par leur lignée. Allah dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum. Allah yawm al-qiyamah, c'est-à-dire il ne regardera pas ni vos corps ni vos couleurs, mais il regardera ce qu'il y a dans vos cœurs et vos œuvres. Donc la personne ne sera pas sauvée en fonction donc de sa couleur ou bien de son origine, mais il sera sauvé par ce qu'il possède dans son cœur et par ses œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset de sourate Shu'ara, c'est-à-dire prévient les gens de ta famille les plus proches. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été appelé à avertir en premier, dans un premier temps les gens de sa famille les plus proches. Donc le musulman, les premières des personnes à qui il veut être utile, c'est ses enfants, ses parents, ses proches. Le prophète donc il est alors sorti et a alors dit aux Bani Abd al-Muttalib, c'est-à-dire la tribu de Abd al-Muttalib, achetez vos âmes, rachetez vos âmes, car je ne vous serai d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ensuite dit, oh Abbas, oncle du prophète, rachète ton âme, affranchis ton âme, car je ne te serai d'aucune utilité auprès d'Allah. Il a également dit ça à sa fille, à sa tante, et également dit ça à sa propre fille Fatima radiallahu anha, qu'il ne lui serait d'aucune utilité yawm al-qiyamati auprès d'Allah, et que la seule chose qui pouvait la sauver, c'est ses œuvres. Et comme tout le monde le sait, yawm al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala dressera un pont au-dessus de l'enfer. Et donc, tous les gens, les musulmans, comme les non-musulmans et les hypocrites, passeront sur ce pont. Et les gens passeront sur ce pont en fonction de leurs œuvres. Donc plus la personne elle aura œuvré ici-bas, plus flux, son passage sera rapide sur ce pont. Il y a des gens qui passeront en un clin d'œil, d'autres qui passeront comme la foudre, d'autres qui passeront comme le vent, d'autres qui passeront comme un des meilleurs chevals, d'autres qui passeront comme un chameau, d'autres qui courront, d'autres qui marcheront, d'autres qui ramperont, et d'autres qui malheureusement seront jetés dans l'enfer. Donc ils seront attrapés, parce qu'il y aura donc des crochets qui attraperont certaines personnes, et ils seront alors tirés dans l'enfer. Bref, leur passage sera en fonction de leurs œuvres, mais pas en fonction de leur lignée ou bien leur origine. Et vous voyez comment l'islam a élevé certaines personnes et en a rabaissé d'autres. Par exemple, nous avons des gens qui, à l'époque du prophète, étaient des esclaves à la base, comme Bilal, comme également Bilal était un esclave, également Ammar était également un esclave. Salman al-Farisi également n'était pas arabe, il venait de Perse. Sohib al-Rumi, qui venait de l'Empire romain. Et malgré cela, l'islam a élevé ces gens-là et les a rendus parmi les meilleures personnes. Et à l'inverse, il a rabaissé des personnes qui faisaient partie des gens qui avaient la meilleure lignée, comme Abu Lahab, l'oncle du prophète, ou bien Abu Jahl, ou bien Umayya ibn Khalaf, et tous les associateurs qui ont refusé de croire au prophète sallam, l'islam les a rabaissés. Le hadith al-sabi'u wa thalathoun عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a pris donc de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, donc ce qu'on appelle hadith al-Qudsi, Allah a inscrit les bonnes œuvres comme les mauvaises, puis il les a exposées de la façon suivante: quiconque se propose d'accomplir une bonne œuvre et ne l'effectue pas, Allah la lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne œuvre accomplie. S'il se propose de la faire et l'accomplit, Allah la lui inscrit de 10 à 700 fois sa valeur, et même plus encore. Par contre, s'il songe à accomplir une mauvaise chose et ne la fait pas, Allah la lui inscrit auprès de lui comme action bonne et accomplie. Enfin, s'il songe à l'accomplir et l'effectue, Allah la lui inscrit comme étant une seule mauvaise action. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih textuellement. Abdallah ibn Abbas marra ma'ana miraran wa huwa ibn ammi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa alladhi da'alahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi الفقه في الدين ومعرفة التأويل الذي هو التفسير ولهذا امتاز عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى فلا أحد تكلم عن القرآن وعن معاني آيات القرآن كما تكلم عبد الله بن عباس ويعرف ذلك أي متأمل في كتب التفاسير فهو أكثر من تكلم عن تفسير كتاب الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. ماذا يسمى هذا الحديث؟ هذا النوع من الأحاديث ماذا يسمى؟ هو الحديث القدسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي كلاما عن الله سبحانه وتعالى. فما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ نعم كلاهما وحي. النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلم إلا بوحي، إن هو إلا وحي يوحى. لكن هناك فروق. نعم. القرآن نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته، فالذي يقرأ القرآن فإنه يؤجر على كل حرف قرأه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بخلاف الحديث القدسي فضلا عن الحديث النبوي الإنسان لا يؤجر على قراءة الأحاديث ومن الخطأ أن بعض الناس يجتمعون أحيانا أعاجم لا يفهمون شيئا عن الكلام العربي ويسردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤجر الإنسان على قراءة الأحاديث الإنسان لا يؤجر على قراءة الأحاديث قد يؤجر على هذه القراءة يعني بنيته للتفقه في الدين مثلا شخص يقرأ أحاديث مثلا هنا ولكن المراد بقراءتنا ماذا؟ أن نفهم الحديث أما مجرد قراءة الأحاديث لا يؤجر الإنسان عليها مفهوم؟ بخلاف القرآن إذا قرأت القرآن فبمجرد تلاوتك تؤجر فإن كنت تتدبر فهو قدر زائد وزيادة في الأجر هذا هو الفرق أحد الفروق كذلك أن من كذلك القرآن ما يسأل قطعي الثبوت القرآن كله متواتر أما الأحاديث القدسية فمن الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف مثل الأحاديث الأخرى فمن يعني أنكر حديثا قدسيا لا يلام إذا يعني تبين لشخص أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث قدسي ضعيف أما القرآن من أنكر حرفا من كتاب الله فهو كافر بإجماع العلماء من أنكر حرفا أو حركة من كتاب الله فهو كافر بخلاف كما قلنا الحديث القدسي فمنه الصحيح والضعيف والحسن كذلك من الفروق أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى لفظا ومعنى أما الحديث القدسي هو كلام الله معنى واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم دليل ذلك أن الحديث القدسي يجوز لك أن ترويه بالمعنى يجوز لك أن ترويه بالمعنى والقرآن لا يجوز لا يجوز أن يعني تقول كما قال الله سبحانه وتعالى وتغير في اللفظ القرآني القرآن إما أن تحفظ الآية كما هي أو تسكت فلا تقول قال الله سبحانه وتعالى وتغير وأنت لا تحفظ الآية جيدا أو تخذ المصحف وتقرأ من المصحف أما أن تحكي الآية بالمعنى فهذا لا يجوز بخلاف الحديث النبوي فهذه من الفروق التي تكون بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب الحسنات والسيئات في الأزل يعني في اللوح المحفوظ أعمالنا من ولادتنا إلى وفاتنا مكتوبة في اللوح المحفوظ بل أعمال الناس كلهم مكتوبة في اللوح المحفوظ من أعمال آدم إلى آخر بشر سيعيش على وجه الأرض كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فأعمالنا الصالحة مكتوبة وكذلك أعمالنا السيئة إن الله كتب الحسنات والسيئات يعني عنده في الأزل في اللوح المحفوظ ثم بين ذلك إن الله سبحانه وتعالى فصل ذلك يعني بين لنا كيف تكون هذه الكتابة فقال من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان بمجرد همه بالحسنة فإنه يؤجر عليها قال ولكن هناك لابد من قيد. ما معنى الهم؟ الهم هو العزم والإرادة. الهم هو العزم والإرادة. فلابد أن يكون الإنسان عازما على الفعل. لا يعني ذلك أنه خطر بباله أن يفعل حسنة، لا، لابد من العزم والإرادة. أعطيكم مثال: رجل أراد أن يحضر مجلسا من مجالس الذكر، مفهوم؟ فلما تهيأ للخروج مرض ابنه، مفهوم؟ فجلس في بيته لتمريض ولدي. هذا يعني هم بالحسنة وعزم عليها ومنع بسبب ما. أعطيكم مثال آخر: شخص أراد أن يتصدق ظنا منه أن في جيبه درهم، فلما أدخل يده في جيبه لم يجد شيئا، هذا هم بالحسن فلم يعملها. ماشي شخص يعني جالس في بيته يقول يعني لا يهمني، يخطر على باله أن يذهب إلى المسجد ولكن لا يأخذ بالأسباب. فلا بد من الأخذ بالأسباب حتى يؤجر الإنسان على همه بالحسنة. لا بد أن يوجد مع الهم الحرص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه. شخص يعني مشى ينعس وهو ناوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى أصبح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فله ما نوى وكان نومه صدقة من الله سبحانه وتعالى. أنه هم يعني اتخذ الأسباب وحرص على قيام الليل ولكن غلبته عيناه فلم يتمكن من الاستيقاظ، فله ما نوى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: Allah inscrit les bonnes œuvres comme les mauvaises. Ou bien avant cela, on va expliquer le hadith al-Qudsi. Donc le hadith, c'est un hadith qu'on appelle hadith Qudsi, un hadith divin. Donc c'est les hadiths que rapporte. Donc il y a une chaîne de transmission qui arrive à un compagnon, qui arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. C'est ce qu'on appelle le hadith Qudsi. Il y en a eu quelques-uns depuis le début. Il y a eu le hadith Abi Dhar: Ya ibadi ni haramtu zulma ala nafsi. Ce hadith qu'on appelle le Qudsi, donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quand même quelques différences entre le hadith Qudsi et le Coran. Le Coran, sa véracité, elle est absolue. Personne ne doute de la véracité du Coran, de Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Le hadith al-Qudsi, il est comme tout hadith. Il y a des hadiths mutawatira, c'est-à-dire rapportés par des grands groupes de compagnons qui ont rapporté à des grands groupes de tabi'in, ce qu'on appelle le hadith mutawatir. On a des hadiths sahihah, on a des hadiths hasana, on a des hadiths authentiques et des hadiths faibles, comme pour tout hadith. Également, celui donc qui refuse de croire à un hadith Qudsi parce qu'il n'est pas authentique, il le peut. Il n'y a aucun mal à cela. Au contraire, s'il se rend compte que le hadith il est faible, il n'a pas à croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Contrairement au Coran, le musulman, il n'a pas le droit, il est obligé de croire à tout le Coran. Même celui qui refuse de croire à une seule lettre du Coran, il est considéré comme mécréant. Il n'est plus musulman, même s'il s'appelle Mohammed ou bien Ali. Celui qui refuse de croire à une seule lettre du Coran, il n'est plus considéré comme musulman. Également, le Coran, le musulman, il est en adoration lorsqu'il le récite. C'est-à-dire que le musulman, il est récompensé pour sa lecture du Coran. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui récite une lettre du Coran, il aura pour chaque lettre une hasana qui sera multipliée par 10. Je ne vous dis pas que alif, la, mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Bref, le musulman, donc, il est récompensé pour sa lecture du Coran. Le seul fait d'ouvrir le mushaf et de lire, la personne, elle est récompensée pour cela. Si en plus, elle le comprend et qu'elle le médite, elle est encore plus récompensée. Mais le seul fait de lire, même sans le comprendre, la personne, elle est récompensée. Contrairement au hadith. Contrairement au hadith al-Qudsi, ou bien le hadith al-Nabawi, le musulman, il n'est pas récompensé pour sa simple lecture de cela. Il est récompensé pour sa lecture si il a pour but de comprendre cela. Si une personne, par exemple, non arabe, elle ne comprend rien à l'arabe, elle sait juste lire les lettres. Il y a certains musulmans qui savent seulement lire, mais qui ne comprennent rien. Est-ce qu'il est récompensé pour sa lecture du hadith? Il n'est pas récompensé. Non, il n'est pas récompensé. Pourquoi il sera récompensé? Il n'est pas récompensé pour sa lecture du hadith. Pour ça, il y a certaines personnes qui font l'erreur, ils prennent un livre de hadith et ils les lisent, en pensant être reconnaissants. Non. Si c'est pour seul but de lire les hadiths, il n'y a pas de récompense à cela. À part si c'est pour le but de les comprendre et de les mettre en application. Également, parmi les différences entre le Coran et le hadith al-Qudsi, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son sens et dans son terme. Les mots sont d'Allah ainsi que le sens. Ça, c'est le Coran. Le hadith al-Qudsi, le sens est d'Allah subhanahu wa ta'ala et les termes sont du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que vous verrez que le hadith al-Qudsi, on peut le rapporter seulement par son sens. Alors si on ne connaît pas le hadith al-Qudsi textuellement, on peut seulement le rapporter par son sens, même en changeant un mot par un autre. C'est pour ça également que vous verrez que le hadith al-Qudsi également, le texte de ce hadith, il change d'un livre à un autre. On va trouver un hadith al-Qudsi dans al-Bukhari, le même hadith, il n'aura pas le même texte dans Sahih Muslim, il n'aura pas le même texte dans Sunan al-Tirmidhi ou bien dans d'autres livres. D'accord? Donc le sens est d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la parole est du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, pareil, donc, pendant la prière, on ne peut pas lire hadith al-Qudsi, malgré que ce soit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut lire le Coran. Donc le Fatiha et une sourate ou bien des versets du Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah inscrit les bonnes œuvres comme les mauvaises. Ça donc dans al-Lawh al-Mahfouz. Donc la Lawh al-Mahfouz, comment il traduit ça? Tout le monde sait c'est quoi Lawh al-Mahfouz? Hein? Dans les tablettes sacrées. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a auprès de lui un livre. Voilà, le livre préservé. Dans lequel il a inscrit toutes choses. Toutes choses qui aura lieu donc ici-bas. De la création des cieux jusqu'à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes ces choses-là. Nos bonnes œuvres, comme nos mauvaises, sont déjà inscrites. Mais pour nous, donc, pour nous c'est invisible. Donc il faut que l'on œuvre. Il faut que l'on œuvre, car donc pour nous c'est invisible. Mais le musulman, donc, il croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout inscrit. Donc cela c'est dans le Coran. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Toute chose nous l'avons recensée dans un livre clair. Donc c'est ce livre qu'on appelle al-Lawh al-Mahfouz, donc le livre préservé. Donc Allah il a inscrit les bonnes œuvres comme les mauvaises. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il nous expose la façon par laquelle sont inscrites les bonnes œuvres comme les mauvaises. Il nous dit, quiconque se propose d'accomplir une bonne œuvre et ne l'effectue pas, Allah la lui inscrit auprès de lui comme une bonne œuvre accomplie. Donc ça c'est parmi donc, la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité, le fait que le seul fait d'avoir l'intention de faire une bonne œuvre, mais ensuite donc on ne l'accomplit pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrit cela comme une bonne œuvre, donc dans nos registres. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut quand même certaines conditions. Il faut que cette intention soit dans ce qu'on appelle l'azm. C'est-à-dire, la personne elle a une réelle volonté de faire cet acte. Elle a une réelle volonté de faire cet acte, mais ensuite, en fait, ensuite elle en est empêchée. Comme par exemple, c'était l'exemple, une personne qui voudrait, par exemple, se rendre à la mosquée pour assister à un cours, ou bien autre chose. Juste au moment de sortir, son enfant tombe malade, par exemple, ou bien tombe et se fait mal. Donc il reste à la maison pour le soigner. Celui-là, sa récompense donc sera, il sera inscrit également une récompense. Également, autre exemple, une personne qui voudrait faire une sadaqa, donner fi sabilillah. Il pense qu'il a de l'argent dans sa poche. Donc il met sa main dans sa poche et puis il s'aperçoit qu'il n'a rien dans sa poche. Donc, il avait vraiment l'intention de donner. Cette personne, il aura cette récompense inscrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce n'est pas seulement le fait d'y penser. Ce n'est pas le seul fait d'y penser. Il faut vraiment avoir l'intention de le faire, mais ensuite donc on ne la fait pas. Ce n'est pas le seul fait d'y penser, dire ah demain peut-être j'irai à la mosquée, ensuite il ne va pas. Donc il faut une réelle volonté de faire, et ensuite la personne ne fait pas cet acte, donc il lui sera inscrit une bonne œuvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme dans son Nasa'i, hadith de Abu Darda, celui qui va se coucher en ayant l'intention de faire la prière nocturne, c'est-à-dire de se réveiller pendant la nuit pour prier, et le sommeil a pris le dessus, c'est-à-dire il ne s'est pas réveillé jusqu'au matin, le prophète nous dit « Kutiba lahu ma nawa » Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrira sa récompense « Wa kana nawmuhu sadaqa » et son sommeil est une sadaqa d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرًا. هذا إن هم بها وعاملها كتبت له عشر حسنات كما قال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. بالنسبة لأي حسنة عملتها فإنها تكتب عشر حسنات. والله سبحانه وتعالى أحيانا يضاعف هذه الحسنات العشر إلى سبعمائة ضعف لمن يشاء. يضاعف الله لمن يشاء. والمضاعفة إلى سبعمائة ضعف ذكرت في القرآن. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. كما قلنا هنا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فيضاعف لمن يشاء بسبب قوة الإخلاص وبقوة الإيمان والإحسان. الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء من عباده. جاء في صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله. تصدق بناقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة والحديث في صحيح مسلم. فالله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. وهناك عبادة لا يعلم قدر مضاعفتها إلا الله سبحانه وتعالى. ما هي؟ الصوم. قال الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم لي كل عمل ابن آدم له إلا والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم. فإنه لي وأنا أجزي بي للصائم فرحتان إلى آخر الحديث وحديث صحيح فلا يعلم قدر مضاعفة الصيام إلى الله سبحانه وتعالى لأنه أفضل أنواع الصبر أنه أفضل أنواع الصبر لأن في الصيام الإنسان يصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله فإنه يصبر على صيامه ويصبر عن يعني المحرمات فإنه يعني يترك الأكل والشرب والجماع لأجل الله سبحانه وتعالى وكذلك يترك القول الزور والعمل به لأجل الله سبحانه وتعالى ويصبر كذلك على أقدار الله وما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال بعض السلف إنما يوفى الصائم في تفسير آية سورة الزمر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit ensuite et on va finir par cela On finira le hadith la semaine prochaine. Et s'il se propose de faire, c'est-à-dire de faire une bonne œuvre, et en plus de cela, il l'accomplit, Allah la lui inscrit de 10, la lui inscrit comme 10 bonnes actions, multipliées par 700 fois sa valeur, et même plus encore. Donc toute personne qui fait une bonne œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit comme 10 bonnes actions. Cela est dans le Coran. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui vient yawm al-qiyamah avec une bonne œuvre, il trouvera cette bonne œuvre multipliée par 10. En ce qui concerne les 700 degrés, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran yudha'ifullahu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah multiplie cela à qui il veut. Donc lorsqu'il a parlé de gens qui donnent sadaqat fi sabilillah, il a dit que ceux qui donnent et qui dépensent dans le sentier d'Allah sont comparables à un grain. Comme a fait les habba qui aurait qui aurait quoi? Qui aurait oh mais qui un grain qui aurait un grain qui aurait fait pousser 7 sanabil, c'est-à-dire 7 épis. Et dans chaque épi, il y aurait 100 grains. Donc si on fait la multiplication, ça fait 700. 700 bonnes actions. Et ensuite Allah a dit Wallahu yudaifu liman yasha. Allah multiplie donc ses actions à qui il veut. Un jour un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec donc une chamelle. Et il a dit au prophète, celle-ci elle est fi sabilillah, donc dans le sentier d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu auras pour cette aumône 700 chamelles yawm al-qiyam. Hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc la personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui multiplie cela en fonction donc de sa crainte d'Allah et en fonction également donc de sa sincérité dans ses actes. Sa sincérité dans ses actes. Il y a donc une adoration également dont nul ne connaît sa récompense et sa multiplication, c'est le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, donc il y a un hadith Qudsi également, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, toutes les œuvres de l'enfant d'Adam est pour lui. C'est-à-dire, il peut savoir combien il a comme récompense, que donc chaque œuvre correspond et multipliée par 10 jusqu'à 700 degrés. Il a adrafin kathira. Sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui le rétribue. Et c'est moi qui le rétribue. Donc personne ne connaît la récompense du jeûne, car le jeûne, c'est la meilleure manière pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la patience, dans toutes ses formes. Le musulman, lorsqu'il jeûne, il patiente dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait donc il jeûne pour Allah et il délaisse donc certaines choses pour Allah. Et également, il patiente en se privant des choses interdites. Donc le musulman, il essaye de s'éloigner le plus possible des choses qui pourraient ternir son jeûne. Comme la médisance, la calomnie, les insultes, toutes les choses interdites, le musulman, il s'en éloigne encore plus pendant le jeûne. Et également, il patiente également aux choses prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le jeûne, la personne peut être atteinte de faim, de soif et de fatigue, et malgré cela, la personne patiente. Donc c'est vraiment, la patience est vraiment claire et évidente dans le jeûne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a appelé le mois de Ramadan shahru al-sabr, le mois de la patience. Et Allah il dit en parlant des patients dans le Coran, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah donnera aux patients leur récompense sans compter. Donc il y aura une récompense très très grande. Yawm al-qiyamah. نكتفي بهذا ونكمل هذا الحديث الأسبوع القادم صلى الله تعالى يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين